pas beaucoup de mémoire quand il s'agit de retenir les grandes dates de l'histoire ou celles de tous nos souvenirs. Il est pourtant un jour de fête où l'on jolit comme une fleur qui reste gravée dans nos têtes et surtout dans nos cœurs. Le 7 mai, jour que nous n'oublions jamais, jour charmant où au monde tu arrivais. Soleil clair, tapis de fleurs, feuillage vert et parfum dans l'air, des lilas entrouverts. C'est ainsi que tu naquis un beau matin ou un soir saint, je n'en suis plus très certain. Mais depuis, nous sommes heureux désormais de pouvoir, Germaine, t'embrasser le 7 mai. Bonjour Germaine, quelle heure est-il? Non, je me trompe. Excuse-moi, je recommence. Bonjour Germaine, bon anniversaire. Nous t'embrassons tous bien affectueusement, y compris les lointains, qui ne manqueront pas de le faire dans un prochain message. Tu n'as du reste pas changé depuis hier, ou en somme, tu avais encore un an de moins. Rassure-toi, je ne dirai pas ton âge, non. Je te demanderai plutôt, quelle heure est-il? Je crois que si je continue, tu vas finir par me dire, tu veux que je te plante une claque? Mais je ne blague pas. Maintenant, je deviens sérieux. Tu sais les vœux que nous formons pour cette occasion. Je n'ai pas besoin d'en parler, c'est du reste notre pensée à tous, n'est-ce pas? Espérons que bientôt tu auras la grande joie de serrer dans tes bras tes enfants et ton petit-fils. C'est ce que nous te souhaitons de tout notre cœur. Tiens toujours le coup comme tu le fais actuellement, c'est ce qu'il faut. Car lorsque ta fille, qui doit toujours faire des étincelles, tu penses, te reviendra avec son mari et son petit gars, il faut qu'ils retrouvent tous les trois une maman et grand-maman plus jeunes que jamais. Mais je parle et j'oublie totalement de te demander quelle heure est-il. Vois-tu, je suis intéressé. Et dame, ça n'est pas en vieillissant que ça changera. Mais comme dit la chanson, prenez-moi comme je suis. On est fantaisiste ou on ne l'est pas. Certaines dates de l'année portent le bonheur avec soi. La Noël tout illuminée, le jour de l'an, le jour des rois. Mais pas une pour nous n'égale celle de ce jour printanier, que cependant rien ne signale sur le calendrier. Le 7 mai, jour que nous n'oublions jamais, jour charmant où au monde tu arrivais. Soleil clair, tapis de fleurs, feuillage vert et parfum dans l'air, des lilas entrouverts. C'est ainsi que tu naquis un beau matin ou un soir, ça je n'en suis plus très certain. Mais depuis, nous sommes heureux désormais. Oh la jolie note. De pouvoir, Germaine, t'embrasser le 7 mai. Et maintenant, une minute. Le temps de retourner le disque. Dit le gars. Vous voyez, j'ai un peu changé la formule.